life. Ici on bosse comme à l'usine car faut la maille. On veut le bon, on veut le vrai, on veut le smile. On veut le top, on veut le top, on veut le top. Je viens d'un quartier moyen, pas d'un favelas. Y'avait peu de moyens, peu de favelas. Je mise sur mon foyer, c'est comme mon carré d'as. Ici la barre est haute même quand elle paraît basse. Quand je revois mes fautes, putain je parais naze. Je comptais sur mes potes en guise de parrainage. L'ami tu parles cash, hein. Tu parles cash là. Y'a v'là l'étage, faut monter par étage. Grandi dans la maison, on a grandi dehors. On perdra pas la raison face au vice de l'homme. Non, je suis pas ce glandeur qui mendie de l'or. Sur le terrain outsider comme Andy Delors. Que ce soit dans la musique ou dans la life. Ici on bosse comme à l'usine car faut la maille. On veut le bon, on veut le vrai, on veut le smile. Que ce soit dans la musique ou dans la life. Ici on bosse comme à l'usine car faut la maille. On veut le bon, on veut le vrai, on veut le smile. Le buzz, ça tire dessus, ça veut pas faire bédaf. Pendant que des élus tirent dessus pour être le chef d'état. Merde, ça parle de frappe près de la salle de boxe. Jeune sportif veut s'en sortir, pas être un sale vieux tox. Et vas-y, taxe-toi, rien n'est gratuit, même pas le texto. T'es plein de testos, vas-y, casse-toi, mais qu'est-ce t'as. On joue pas les costauds, les gosses austères en postard. Car c'est rare qu'on dompte comme gosse poster. La misère, ça préfère la passer au soleil. Le temps passe et je compare mon passé au sommeil. Enfant de la terre, on vit en tous de la même mère. On respire tous le même air. On veut le top. Que ce soit dans la musique ou dans la life. Ici on bosse comme à l'usine car faut la maille. On veut le bon, on veut le vrai, on veut le smile. On veut le top. Que ce soit dans la musique ou dans la life. Ici on bosse comme à l'usine car faut la maille. On veut le bon, on veut le vrai, on veut le smile. Que ce soit dans la musique ou dans la life. Ici on bosse comme à l'usine car faut la maille. On veut le bon, on veut le vrai, on veut le...